Il serait superflu, outre le quelque ridicule que l'auteur parle de sa propre pièce, que je vienne ici précéder de peu de mots la réalisation du Burois après que de plus notoires en ont bien voulu parler. Si je ne croyais que leur bienveillance a vu le ventre du vu gonflé de plus de satiriques symboles qu'on ne l'en a pu en faire pour ce soir. C'est pourquoi vous serez libre de voir en Monsieur Ubu toutes les allusions que vous voudrez. C'est ainsi qu'Alfred Jarry s'adresse au public le soir de la première représentation du Burois au Théâtre de l'Œuvre le 10 décembre 1896. 23 ans avant ce jour glorieux, Alfred Jarry voyait le jour à Laval, une jeunesse sans histoire avant de découvrir Paris, ses écrivains, ses poètes. Il écrit pour quelques revues, se livre à quelques excentricités, mais rien ne laisse présager cette nouvelle bataille d'Hernani que fut Uburoi. C'est dans une salle tumultueuse, hurlante, que se déroula la première représentation. Ce fut vraiment guignol. Quoi de plus normal après tout, puisque Alfred Jarry considérait ses personnages comme des marionnettes. Il en fit même des maquettes. Il se plaisait à dire « Marionnettes nous voulions être, mais nous n'avons pas suspendu nos personnages à un fil, ce qui eût été sinon absurde, du moins pour nous, bien compliqué, alors qu'à Guignol, un faisceau de guindes et de fils commande toute une armée. Ce soir, le vœu de Jarry sera exaucé. Des comédiens, il ne reste que la voix. Place aux marionnettes et à leurs tiges. Place à Ubu Roi. Joli, Père Ubu, vous êtes un fort grand voyou. Que ne vous assomme-je, Mère Ubu? Ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, Père Ubu? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte, merde, madame, certes, oui, je suis content. On le serait à moi, capitaine de dragons. Officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon, que voulez-vous de mieux? Comment? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux? Quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon? Ah! Mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête. De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant. Et même en admettant qu'il meure, n'a-t-il pas des légions d'enfants? Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place? Ah, Mère Ubu, vous me faites injure. Et vous allez passer tout à l'heure par la casserole.

chou-fleur à la merde. Et me crois-tu empereur d'Orient pour faire de telles dépenses? Ne l'écoutez pas, il est imbécile. Ah, ah, je vais bien aiguiser mes dents contre vos mollets. Dites plutôt, Père Ubu, voilà de la polonaise. Bougre, que c'est mauvais. Ça n'est pas bon, en effet. Tant d'arabes, que vous faut-il? Oh, j'ai une idée. Je vais revenir tout à l'heure. Messieurs, nous allons goûter du veau. Ah, oui. Oh, il est très bon. J'ai fini. Au croupion maintenant. Exquis, exquis. Vive le Père Ubu! Et vous allez bientôt crier tous, vive le Père Ubu! Et misérable, que fais-tu? Goûtez un peu. Mère Ubu, passe-moi les côtelettes de rastron que je serve. Les voici. À la porte, tout le monde. Capitaine Bordure, oui, j'ai à vous parler. Mais je n'ai pas dîné! Comment vous n'avez pas dîné? À la porte, tout le monde. Restez, Bordure. Vous n'êtes pas parti? De par ma chandelle verte, je vais vous assommer de côtes de rastron. Merdre, merdre, merdre. À la porte. Je fais mon effet. Hein. Oh, qui fait? Oh, le gueule. Les voilà partis. Je respire, mais j'ai fort mal dîné. Venez, Bordure. Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné? Fort bien, monsieur, sauf la merdre. Oh, la merdre n'était pas mauvaise. Chacun son goût. Capitaine Bordure, je suis décidé à vous faire duc de Lituanie. Comment? Je vous croyais fort gueux, Père Ubu. Dans quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne. Oh, vous allez tuer Venceslas? Il n'est pas bête, ce bougre, il a deviné. S'il s'agit de tuer Venceslas, j'en suis. Je suis son mortel ennemi, et je réponds de mes hommes. Oh, je vous aime beaucoup, oh, Bordure. Mais vous empestez, Père Ubu, mais vous ne vous lavez donc jamais? Rarement. Ah, c'est ça. Jamais. Je vais te marcher sur les pieds. Grosse merde. Allez, Bordure, j'en ai fini avec vous, mais par ma chandelle verte, je jure sur la mère Ubu de vous faire duc de Lituanie. Mais oh. Oh, tais-toi. Ma douce enfant. Oh. Monsieur, que voulez-vous? Fichez le camp, vous me fatiguez. Monsieur, vous êtes appelé de par le roi. Oh merde, Jarny Cotonbleu, de par ma chandelle verte, je suis découvert. Je vais être décapité. Hélas, hélas. Oh, quel homme mou! Et le temps presse. Oh, j'ai une idée. Je dirais que c'est la mère Ubu et Bordure. Oh, gros pull, si tu fais ça. Et j'y vais de ce pas. Oh, Père Ubu, je te donnerai de l'andouille. Oh, merde, tu en es une fière d'andouille. Oh, vous savez, ça n'est pas moi, c'est la mère Ubu et Bordure. Qu'as-tu, Père Ubu? Il a trop bu. Comme moi ce matin. Oui, je suis saoul. C'est parce que j'ai bu trop de vin de France. Père Ubu, je tiens à récompenser tes nombreux services comme capitaine de dragon. Et je te fais aujourd'hui comte de Saint-Denis. Oh, monsieur Venceslas, je ne sais comment vous remercier. Ne me remercie pas, Père Ubu, et trouve-toi demain matin dans la grande revue. J'y serai, mais acceptez de grâce ce petit mirliton. Que veux-tu à mon âge que je fasse dans un mirliton? Je le donnerai à Bougrelin.

le Père Ubu. Venez près de moi avec votre suite pour inspecter les troupes. Attention, vous autres. On y va, monsieur. On y va. Voici le régiment des gardes à cheval de Danzig. Ils sont fort beaux, ma foi. Vous trouvez ? Ils me paraissent misérables. Regardez celui-ci. Depuis combien de temps ne t'es-tu débarbouillé, ignoble drôle ? Ce soldat est fort propre. Qu'avez-vous donc, Père Ubu ? Voilà ! Misérable ! Merdre ! À moi, mes hommes ! Hurrah ! En avant ! Au secours, Sainte Vierge ! Je suis bon. J'ai la couronne. Aux autres maintenant ! Ils sont traîtres ! Aucun sujet de crainte. Oh ! Que vois-je ? Mes deux frères poursuivis par le Père Ubu et ses hommes. Oh, mon Dieu ! Sainte Vierge, ils perdent du terrain. Toute l'armée suit le Père Ubu. Le roi n'est plus là. Oh, au secours ! Oh, par le Boleslas, mort ! Il a reçu une balle. Hé ! Défends-toi! Hurrah, Ladislas! Oh, il est entouré! Oh, c'en est fait de lui! Bordure vient de le couper en deux comme une saucisse! Oh, hélas! Ces furieux pénètrent dans le palais! Ils montent l'escalier! Mon Dieu! Défendez-nous! Oh, ce Père Ubu, le coq, misérable! Si je le tenais! Hé, hey, bougrelasse, que me veux-tu faire ? Vive Dieu, je défendrai ma mère jusqu'à la mort. Le premier qui fait un pas est mort. Oh, bordure, j'ai peur. Laissez-moi m'en aller. Prends-toi, bougrelasse. Tiens, voyou. Ah ! Voilà ton enfant. Tiens bon, bougrelasse. Tiens bon. Vous voilà. Nous sommes dans la boussole. Je l'apprends, sac à vin, sac loin, payé. Oh, c'est bien venir à bout tout de même. Mais, sauve pas par l'escalier secret. Et toi, mon fils, et toi, je te suis. Tâchez d'attraper la reine. Ah, la voilà partie. Quant à toi, misérable. Voilà ma vengeance! Mère, je te suis! Oui, je le crois. Bourrelas, soutiens-moi. Oh, qu'as-tu, ma mère ? Je suis bien malade, crois-moi. Bourrelas, je n'en ai plus que pour 2 heures à vivre. Quoi ? Le froid t'aurait-il saisi ? Oh, Bourrelas, quand je me rappelle combien nous étions heureux avant l'arrivée de ce Père Ubu. Mais maintenant, hélas, tout est changé. Oh, que veux-tu ? Attendons avec espérance et ne renonçons jamais à nos droits. Je te le souhaite, mon cher enfant. Mais pour moi, je ne verrai pas cet heureux jour. Ah. Oh. Qu'as-tu? Elle pâlit. Elle tremble. Au secours. Oh. Mais je suis dans un désert. Oh mon Dieu. Son cœur ne bat plus. Elle est morte. Est-ce possible? Encore une victime du père Ubu. Oh mon Dieu. Qu'il est triste de se voir seul. À 14 ans. Avec une vengeance terrible à poursuivre. Que vois-je? Toute ma famille, mes ancêtres. Par quel prodige? Apprends, Bougolas, que j'ai été pendant ma vie le seigneur Mathias de Königsberg, le premier roi et le fondateur de la maison. Je te remets le soin de notre vengeance et que cette épée que je te donne n'ait de repos que quand elle aura frappé de mort l'usurpateur. Voulez-vous me ruiner pour ces bouffres? Mais enfin, Père Ubu, ne voyez-vous pas que le peuple attend le don de joyeux avènements? Si tu ne fais pas distribuer des viandes et de l'or, tu seras renversé d'ici 2 heures. Des viandes, oui, de l'or, non. Abattez 3 vieux chevaux, c'est bien bon pour de tels sagouins. Oh, sagouin toi-même? Qui m'a bâti un animal de cette sorte? Encore une fois, je veux m'enrichir. Je ne lâcherai pas un sou. Quand on a entre les mains tous les trésors de la Pologne? Oui, je sais qu'il y a dans la chapelle un immense trésor. Nous le distribuerons. Misérable, si tu fais ça... Oh. Mais, Père Ubu, si tu ne fais pas de distribution, le peuple ne voudra pas payer les impôts. Est-ce bien vrai? Oui, ah oui. Bon, alors je consens à tout. Réunissez 3 millions, cuisez 150 bœufs et moutons. D'autant plus que j'en aurai aussi. Au moins, promettez-moi de bien payer les impôts. Oui. Voyez, mes rubus, s'ils se disputent cet or. Ah, quelle bataille, hein? Oh, il est vrai que c'est horrible. Bah, en voilà un qui a le crâne fendu. Quel beau spectacle. Amenez d'autres caisses d'or. Si nous faisions une course... Oui, oui, c'est une idée. Mes amis, vous voyez cette caisse d'or? Elle contient 300 000 nobles à la rose en or en monnaie polonaise et de bon aloi. Que ceux qui veulent courir se mettent au bout de la cour. Vous partirez quand j'agiterai mon mouchoir et le premier arrivé aura la caisse. Quant à ceux qui ne gagneront pas, ils auront comme consolation cette autre caisse qu'on leur partagera. Oui. Oh, quel beau roi! Non, voyez pas tant du temps de penser cela! Écoute-les. 1, 2, 3. Y êtes-vous? Ouais, hey, hey. Partez! Ils approchent! Ils approchent! Ils approchent!

Tu n'as rien autre chose ? Rien. Dans la trappe. Quatrième noble, qui es-tu ? Prince de Podoli. Quels sont tes revenus ? J'y suis ruiné. Pour cette mauvaise parole, passe dans la trappe. Cinquième noble, qui es-tu ? Margrave de Thorn, palatin de Pollock. Ce n'est pas lourd. Tu n'as rien autre chose ? Cela me suffisait. Eh bien, mieux vaut peu que rien. Dans la trappe. Qu'as-tu à pigner, mes rubus ? Tu es trop féroce. Je m'enrichis. Je vais faire lire ma liste de mes biens. Greffier, lisez ma liste de mes biens. Comté de sodomie. Commence par les principautés, stupide bougre. Alors, principauté de Podoli, grand-duché de Posen, duché de Courland, comté de Sandomir, comté de Vitebsk, palatinat de Pollock, margravia de Thorn. Et puis après ? C'est tout. Comment c'est tout ? Oh, bien alors, en avant les nobles. Et comme je ne finirai pas de m'enrichir, je vais faire exécuter tous les nobles, et ainsi j'aurai tous les biens vacants. Allez, passez les nobles, allez, dans la trappe. Allez. Dépêchez-vous, plus vite. Je vais faire des lois maintenant. On va voir ça. Je vais d'abord réformer la justice, après quoi nous procéderons aux finances. Nous opposons à tout changement. Merde. Oh. D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Et de quoi vivons-nous ? Nous sommes pauvres. Vous aurez les amendes que vous prononcerez et les biens des condamnés à mort. Infamie. C'est un scandale. Indignité. Nous refusons à juger dans des conditions pareilles. À la trappe, les magistrats. Et que fais-tu, Père Ubu ? Qui rendra maintenant la justice ? Tiens, moi ! Tu verras comme ça marchera bien. Oh oui, ce sera du propre. Allons, tais-toi, bouffresque. Nous allons maintenant, messieurs, procéder aux finances. Il n'y a rien à changer. Comment ? Je veux tout changer, moi. D'abord, je veux garder pour moi la moitié des impôts. Oh, pas gêné. Messieurs, nous établirons un impôt de 10% sur la propriété. Voilà. Un autre sur le commerce et l'industrie. Un troisième sur les mariages. Et un quatrième sur les décès. De 15 francs chacun. Mais c'est idiot, Père Ubu. C'est absurde. Ça n'a ni queue ni tête. Vous vous fichez de moi ? Dans la trappe, les financiers ! Mais enfin, Père Ubu ! Quel roi tu fais ? Tu massacres tout le monde ! Et merde ! Plus de justice ! Plus de finances. Ne crains rien, ma douce enfant. J'irai moi-même de village en village recueillir les impôts. La grande nouvelle, le roi est mort, les ducs aussi, et le jeune bougre là s'est sauvé avec sa mère dans les montagnes. Oh. Plus le père Ubu, il s'est emparé du trône. Oh, hey. Okay. Je sais pas d'autre. Ah oui? Je viens de Cracovie. Uh-huh. Où j'ai vu apporter les corps de plus de 300 nobles et de 500 magistrats qu'on a tués. C'est pas vrai. Hey. Et il paraît qu'on va doubler les impôts. Oh, ouais. Et que le Père Ubu viendra les ramasser lui-même. Mais bon, mais qu'allons-nous devenir? Le père Ubu est un affreux sagouin et sa famille est, dit-on, abominable. Mais écoutez, dirait-on pas qu'on frappe à la porte? Corne-chidouille! Ouvrez de par ma merdre! Par Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Nicolas! Ouvrez, sabre à finance, corne à finance! Je viens chercher les impôts! Qui de vous est le plus vieux? Comment te nommes-tu? Stanislas Legdinski. Eh bien, corne-chidouille, écoute-moi bien, sinon ces messieurs te couperont les oreilles. Mais vas-tu m'écouter enfin? Mais votre excellence a encore rien dit. Comment? Je parle depuis une heure. Crois-tu que je vienne ici pour prêcher dans le désert? Loin de moi cette pensée. Je viens donc te dire, t'ordonner, te signifier que tu es à produire et exhiber promptement ta finance, sinon tu seras massacré. Alors, mes seigneurs, les salopins à finance, voiturez ici le voiturin à finance. Messire, nous ne sommes inscrits sur le registre que pour 152 Rixdal, que nous avons déjà payé et aura tantôt 6 semaines à la Saint-Mathieu. C'est fort possible, mais j'ai changé le gouvernement et j'ai fait mettre dans le journal qu'on paierait 2 fois tous les impôts et 3 fois ceux qui pourront être désignés ultérieurement. Avec ce système, j'aurais vite fait fortune. Alors, je tuerai tout le monde et je m'en irai. Monsieur Ubu de grâce, ayez pitié de nous. Nous sommes de pauvres citoyens. Je m'en fiche. Payez. Mais nous ne pouvons pas. Nous avons payé. Payez ou j'y vous mets dans ma poche. Avec supplice et décollation du cou et de la tête. Corne-gidouille, je suis le roi peut-être. C'est comme ça, hein? Aux armes! Allez, vive, bougre là! Et par la grâce de Dieu! Roi de Pologne et de Lituanie! En avant, messieurs des finances! Faites votre devoir! À toi! Citoyen, voilà ce que c'est. Tu as voulu que je te paye ce que je te devais, alors tu t'es révolté parce que j'ai pas voulu. Tu as conspiré et te voilà coffré. Hein? Corne finance, c'est bien fait. Et le tour est si bien joué que tu dois toi-même le trouver fort à ton goût. Prenez garde, Père Ubu. Depuis 5 jours que vous êtes roi, vous avez commis plus de meurtres qu'il n'en faudrait pour damner tous les saints du paradis. Le sang du roi et des nobles crie vengeance, et ses cris seront entendus. Hey, mon bel ami, vous avez la langue fort bien pendue. Je ne doute pas que si vous vous échappiez, il en pourrait résulter des complications. Mais je ne crois pas que les casemates de Torne aient jamais lâché quelqu'un des honnêtes garçons qu'on leur avait confiés. C'est pourquoi, bonne nuit. Et je vous invite à dormir sur les 2 oreilles. Bien que les rats dansent ici une assez belle sarabande. C'est vous, infâme aventurier, qui avez coopéré à la mort de notre cousin Venceslas? Sire, pardonnez-moi, j'ai été entraîné malgré moi par le Père Ubu. Oh, l'affreux menteur! Enfin, que désirez-vous? Le Père Ubu m'a fait emprisonner sous prétexte de conspiration. Je suis parvenu à m'échapper et j'ai couru 5 jours et 5 nuits à cheval à travers les steppes

Pérubu, donne-moi ma cuirasse et mon petit bout de bois. Je vais être bientôt tellement chargé que je ne saurais marcher si j'étais poursuivi. Ha ha ha ! Fille lâche ! Ah, voilà le sabre à merdre qui se sauve. Et le croc à finance qui ne tient pas. Je n'en finirai jamais, les rues s'avancent et vont me tuer. Seigneur Ubu, voilà le ciseau à onaï qui tombe. J'y tout tue au moyen du croc à merdre et du couteau à figure. Comme il est beau avec son casque et sa cuirasse. On dirait une citrouille armée. Maintenant, je vais monter à cheval. Amenez, messieurs, le cheval à finance. Père Ubu, ton cheval ne saurait plus te porter. Il n'a rien mangé depuis 5 jours et est presque mort. Elle est bonne, celle-là. On me fait payer 12 sous par jour pour cette rosse et elle ne me peut porter. Vous vous fichez, corne du but, ou bien si vous me volez. Allons, que l'on m'apporte une autre bête, mais je n'irai pas à pied, corne gidouille. Je vais monter dessus. Assis plutôt, car je vais tomber. Arrêtez ma bête, grand Dieu. Je vais tomber et être mort. Il est vraiment imbécile. Le voilà relevé. Bon. Mais il est tombé par terre. Corne physique, je suis à moitié mort. Mais c'est égal. Je pars en guerre et je tuerai tout le monde. Gare à qui ne marchera pas droit. Gilon met dans ma poche avec torsion du nez et des dents et extraction de la langue. Bonne chance, monsieur Ubu. Et j'ai oublié de te dire que je te confie la régence. Mais j'ai sur moi le livre des finances. Tant pis pour toi si tu me voles. Je te laisse pour t'aider le palotin Giron. Adieu, mère Ubu. Adieu, père Ubu. Tue bien le Xar. Pour sûr. Torsion du nez et des dents, extraction de la langue et enfoncement du petit bout de bois dans les oreilles. Maintenant que ce gros pantin est parti, tâchons de faire nos affaires. Tuer pour un as. Et nous emparer du trésor. Quelques minutes d'entracte, le temps que Madame la mère Ubu s'occupe de ses affaires, tue Bougrelasse et s'empare du trésor. Parce que c'est dans cet atelier que se passe, disons, la création, la naissance des marionnettes. Eh bien oui, cet atelier est l'âme, en quelque sorte, du petit théâtre. Excusez-moi, mais je vais me débarrasser de... La mère Ubu. Oui, c'est là, nous partons bien sûr de maquettes, parce que non seulement il faut concevoir décors et costumes, mais le plus important est de concevoir les personnages. C'est ça. D'où vient l'idée de... C'est, vous le discutez entre vous, l'allure des personnages? Oui, la plupart du temps. Enfin là, les maquettes ont été réalisées par Paul Doss et André Rouillard. Alors si vous voulez, bien sûr, nous sommes partis d'abord des maquettes de Jarry, mais nous avons pensé un petit peu aussi aux voix, c'est-à-dire nous avons pensé un peu à Jacques Fabry. Il y en a qui trouvent qu'Ubu ressemble à Jacques Fabry, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est aussi beau que Jacques Fabry, ça c'est pas de doute. Et tout le monde participe un petit peu à la création, tout le monde travaille à la fabrication des... Mais bien sûr, parce que d'abord, il faut que tout bon marionnettiste doit savoir fabriquer sa poupée. Mais nous avons un maître d'œuvre qui est Patrick Gray. Patrick Gray, qui est lui spécialiste des techniques et des moulages. Explique-moi un peu comment ça se passe, dis-moi. Comment ça se passe? Bon... Alors, je vais parler de la fabrication des marionnettes anciennes qui étaient en bois. Je ne travaille plus étant donné le poids. C'est toi qui l'as faite aussi? Pas celle-ci, non. C'est une... Ah, 150 ans. Oui. Alors, autrement, je travaille par le procédé moulage. C'est-à-dire qu'au départ, la tête est d'abord dessinée sur papier. Est-ce que c'est toi qui dessines les personnages en général? En général, oui. Là, il faut dire que c'est un personnage de... Ça, c'est un personnage pour les fourberies de Scapin. C'est Géronte. Géronte, oui. Alors, la tête est d'abord réalisée en terre glaise. Une fois que la terre glaise est fini, poli, je coule du plâtre dessus. Voilà. Pour obtenir un profil. Et je coule une deuxième partie de plâtre pour obtenir le deuxième profil. J'obtiens donc le moule terminé. Voilà. Les deux profils de Géronte. Ensuite, le moule terminé, bien sec, je colle à l'intérieur un matériau qui n'est pas très noble. À ton avis, c'est... Ça, c'est du... Je sais pas. C'est du contrefort à chaussures. Ah bon, contrefort à chaussures. C'est du contrefort à chaussures, c'est ce que tu as à l'intérieur de ta chaussure. Ça se colle, ça, ça se colle, c'est-à-dire, c'est un textile à l'intérieur duquel il y a une colle très très forte que je détrempe dans un produit à base d'acétone, ce qui ramollit complètement le textile. Donc la tête, elle est pleine de ça, non? Elle est pleine de ça, c'est-à-dire après, je colle des bandelettes à l'intérieur de la tête, partout, partout. D'accord. Bon, j'obtiens donc un masque, un profil, un deuxième profil, j'assemble, et j'obtiens, tu vois, une tête creuse. C'est ça. Celle-ci, voilà. Celle-ci, en plus, elle a la particularité d'être articulée. Oui, elle, c'est pour la galère. Voilà. Elle passe. Qu'elle est-il faire dans cette galère? Exactement. Voilà. Ensuite, la tête est montée sur le corps, qui est en polystyrène. Avec un tube en... Un tube. En aluminium. En aluminium. Oui, c'est ça. La tête est montée dessus. Et là, les commandes sont passées dans des tuyaux. C'est ça. Voilà. Ensuite, il y a une chose très importante. Donc, il y a donc la peinture après, le ponçage, la peinture. Ensuite, l'habillement. Alors, il y a d'abord la perruque, cheveux. N'est-ce pas, Antoine? Je pense que c'est absolument nécessaire. Ah, ça, c'est un accessoire. C'est indispensable. Absolument primordial. Alors, tout bon comédien. Et voilà. Et Géronte, il est à peu près terminé. Il lui manque plus qu'une chose. C'est... Il y a une chose très importante très avant. C'est parce qu'une marionnette sans main. Ah oui, c'est marionnette. Voilà. Voilà le procédé des mains. C'est-à-dire, ce sont des mains en bois. C'est ce qu'il y a. Ça, c'est en bois. C'est ce qu'il y a de plus. C'est taillé en bois. De relativement plus facile à travailler avec ce principe. C'est un principe de bande. Chaque doigt est fait dans une épaisseur différente. Je dessine d'abord un profil d'un doigt qui est poncé, qui est arrondi. Chaque doigt, ainsi de suite, l'index majeur annulaire et le pouce. Ensuite, tout est assemblé. Et fixé sur la tige. Et fixé au bras. Avec des articulations en cuir ou en caoutchouc, ça dépend du personnage. Ensuite est mise la tige. Et la tige, c'est, qu'est-ce que c'est une baleine de parasol. Baleine de parasol. Et c'est elle qui commande tous les mouvements du bras. Voilà, c'est ça. Voilà, et bien, Géronte, il est complet à peu près. Il lui manque même quelque chose. Il lui manque quelque chose. Il lui manque un costume. Un costume, oui. Alors, le costume, c'est la spécialité de Christian Meyer. Christian Meyer qui est là en train de travailler sur une veuve joyeuse. Qu'est-ce que c'est pas pour... encore joyeuse, parce qu'elle n'a pas tout à fait ses rictus. Elle n'a pas sa figure, ni ses mains. En tout cas, elle a déjà des formes assez... Des formes assez plantureuses. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour quelle pièce, ça? C'est pour... C'est pour les maisons de retraite, parce que, voyez-vous, pour nous, la marionnette, c'est pas forcément pour les enfants. On passe aussi dans des maisons de retraite. Ça s'adresse à tous les publics, quoi. Il n'y a pas d'âge pour la marionnette. Ah, ben ça, je pense que la marionnette, c'est pas seulement pour les enfants, c'est un peu pour tout. C'est ça. Tous les âges. La marionnette peut être une affaire... qui va de 7 à 75 ans, sinon plus. C'est toi qui dessines les costumes? Non, pas pour la totalité. Il m'arrive d'avoir une idée, mais en fin de compte, Patrick m'aide beaucoup dans ce genre de choses. Ben voilà, ben je vais te laisser continuer à l'orner de dentelle pour une pièce future. C'est ça. Et je vais devoir rejoindre Monique, parce que je crois qu'il va être temps bientôt de rejoindre la Mère Ubu, de remettre la Mère Ubu sur son piédestal, sur son baudrier à la télévision. À la télévision, c'est bien normal. Parce que, bien sûr, ce sont des marionnettes à tiges que vous avez vues là. Alors, pour nous laisser les bras libres, nous les portons donc sur un baudrier, comme un porte-drapeau. Alors, la tête se commande par ici. Voilà, la tête se commande par ici. Elle dit non. Voilà. On fait bonjour comme ça. Voilà, il y a un bras et l'autre bras. Voilà. Voilà. Et on marche avec sa marionnette, bien sûr. Et on marche avec sa marionnette. Bon. Eh bien, Monique, je crois qu'il est temps de demander à la technique, au son, d'envoyer les bruitages de la Mère Ubu pour la suite de la pièce. C'est ça, dans la crypte. Où est donc ce trésor? Aucune dalle ne sonne creux. J'ai pourtant bien compté 13 pierres après le tombeau de Ladislas le Grand. En allant le long du mur, il n'y a rien. Il faut qu'on m'ait trompé. Ah, voilà cependant. Ici, la pierre sonne creux. À l'œuvre, Mère Ubu, courage. Décèle-nous cette pierre. Elle tient bon. Ah! Prenons ce bout de croc à finance qui fera encore son office. Voilà. Voilà l'or au milieu des ossements des rois.

les fantassins à pied au bas de la colline pour recevoir les Russes et les tuer un peu, les cavaliers derrière pour se jeter dans la confusion, et l'artillerie autour du moulin avant, ici présent, pour tirer dans le tas. Quant à nous, nous nous tiendrons dans le moulin avant et tirerons avec le pistolet à finance par la fenêtre. En travers de la porte, nous placerons le bâton à physique. Et si quelqu'un essaye d'entrer, gare au croque-à-merde, hein ? Aux ordres, sire ! Ubu seront exécutés. Eh, cela va bien. Nous serons vainqueurs. Quelle heure est-il ? 11h du matin. Alors nous allons dîner, car les Russes n'attaquent pas avant midi. Dites aux soldats, seigneur général, de faire leurs besoins et d'entonner la chanson à finance. Il est arrivé ! Notre grand financier ! Oh, les braves gens, je les adore. Oh, oh, j'ai peur. Sire Dieu, je suis mort. Et cependant, non, je n'ai rien. S'attaque. Eh bien après, que veux-tu que j'y fasse? Ce n'est pas moi qui le leur ai dit. Cependant, monsieur des finances, préparons-nous au combat. Oh, un second moulette. Ah, je n'y tiens plus. Ici, il pleut du plomb et du fer. Et nous pourrions endommager notre précieuse personne. Descendons. Oh, Dieu et l'exode. En avant! À toi, monsieur, que je t'attrape, car tu m'as fait mal, entends-tu, sac avant, avec ton flingot qui ne part pas! Ah ah! Voyez-vous ça! Oh! Oh! Je suis blessé, je suis troué, je suis perforé, je suis administré, je suis enterré! Oh! Ah! Ah! Ah! Mais tout de même, hache le tien, hein? Tiens, recommenceras-tu maintenant? En avant! Poussons vigoureusement! Passons les fossés! La victoire est à nous! Tu crois? Jusqu'ici, je sens sur mon front plus de bosses que de lauriers! Venez! Laisse-t'en! Oh, Seigneur! Sors qui pleut! Oh. Voilà l'exode! Mon Dieu, il passe le fossé! Bah, voilà quatre d'assommés par ce grand bourre de lieutenant! Ah, mais vous n'avez pas fini, vous autres! Tiens, Jean Sobieski, voilà ton compte. Oh, à d'autres maintenant. Aïe. En avant, mes amis, attrapez ce bélitre. En compote, les moscovites, la victoire est à nous. Vive l'aigle rouge. Attrapez le grand bougre. Mais par Saint-Georges, je suis tombé. C'est toi, Bordure. Ah, mon ami, nous sommes bien heureux, ainsi que toute la compagnie, de te retrouver. Je vais te faire cuire à petit feu. Messieurs des finances, allumez du feu. Ah, oh, oh, ah, ah, oh, je suis mort, je suis mort. C'est au moins un coup de canon que j'ai reçu. Ah, mon Dieu, pardonnez-moi mes péchés. Oui, c'est bien un coup de canon. C'est un coup de pistolet chargé à poudre. Ah, tu te moques de moi encore. À la poche. Père Ubu, nous avançons partout. Je le vois bien, mais je n'en peux plus. Je suis criblé de coups de pied. Je voudrais m'asseoir par terre. Oh, ma bouteille. Allez prendre celle du Xar, Père Ubu. J'y vais de ce pas. Allons, sabre à merdre, fais ton office. Et toi, croc à finance, ne reste pas en arrière. que le bâton à physique travaille d'une généreuse émulation et partage avec le petit bout de bois l'honneur de massacrer, creuser et exploiter l'empereur moscovite. En avant, messieurs! En avant, monsieur notre cheval à finance. En garde, majesté! Tiens, toi! Mais tout de même! Ah, monsieur, pardon, laissez-moi tranquille! Ah, mais. Non, je ne l'ai pas fait exprès! Hein. Cette vierge, cet enragé me poursuit! Qu'ai-je fait, grand Dieu? Ah bon, il y a encore le fossé à repasser! Oh, je le sens derrière moi et le fossé devant! Courage! Fermons les yeux! Bon, je suis dedans. Hurrah! Le tsar est à bas! Ah, j'ose à peine me retourner. Il est dedans. Oh, c'est bien fait. Et on tape dessus. Allons, Polonais. Allez-y à tour de bras. Il a bon dos, le misérable. Allons bon, ça recommence. Cette fois, c'est la dépendance. Voici l'occasion de se tirer les pieds. Ordonne, messieurs les Polonais, en avant, ou plutôt, en arrière. Allons en route. Quelle force, quelle fuite, quelle multitude. Comment me tirer de ce gâchis? Oh, mais toi, fais attention, tu vas expérimenter la bouillante valeur du maître des finances. Ah, il est parti. Sauvons-nous évidemment pendant que la cime ne nous voit pas. Il gèle la pierre à fendre et la personne du maître des finances s'en trouve fort endommagée. Oh, monsieur Ubu, êtes-vous remis de votre terreur et de votre fuite? Oui, je n'ai plus peur, mais j'ai encore la fuite. Quel pourceau! Oh, tiens, regardez donc le petit toutou, il est gentil, ma foi. Ah, prenez garde à quel énorme ours! Mes cartouches! Un ours? Oh, la grosse bête! Oh, pauvre homme, me voilà mangé! Que Dieu me protège! Mais il vient sur moi! Ah non, c'est Cotis qui l'attrape. Oh, je respire! À moi! Au secours! Monsieur Ubu! Bernic, débrouille-toi, mon ami. Pour le moment, nous faisons notre paternoster. Chacun son tour d'être mangé. Je les tiens! Ferme, ami, il commence à me lâcher. Quelle ferme! Et j'attrape mon coup de poing explosif. Panem nostrum quotidianum da nobis ige. La queue, je n'en peux plus. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Je l'ai. Victoire. Sed libera nos a malo. Amen. Enfin, est-il bien mort? Puis-je descendre de mon rocher? Tant qu'il vous voudrait. Ah, voilà le feu qui flamme. Oh. Oh, c'est bon, ça. Il fait chaud, maintenant. Mais je vois des Russes partout. Quelle fuite, grand Dieu. Oh. Je voudrais savoir si ce que dit Zelensky est vrai. Si la mère Ubu est vraiment détrônée, ça n'aurait rien d'impossible. Oui, finissons de faire le zoubé. Non, nous avons à parler de choses plus importantes. Je pense qu'il serait bon de nous enquérir de la véracité de sa nouvelle. C'est vrai. Faut-il abandonner le père Ubu ou rester avec lui? La nuit porte conseil. Dormons. Nous verrons demain ce qu'il faut faire. Non, il vaut mieux profiter de la nuit pour nous en aller. Oui, partons alors. Sir Dragonus, faites attention. Ne tirez pas. Ne tirez pas par ici. Il y a du monde. Ah, voilà Bordure. Qu'il est mauvais, on dirait un ours. Et mon gros lasse qui vient sur moi. L'ours, l'ours. Ah, le voilà. Qu'il est dur, grand Dieu. Je ne veux rien faire. Va-t'en, mon gros lasse. Entends-tu drôle? Voilà Renski maintenant et le tsar. Oh, ils vont me battre. Et l'arbu, où as-tu pris tout cet or? Tu m'as pris mort, misérable. Tu as été farfouillé dans mon tombeau qui est dans la cathédrale de Varsovie, près de la lune. Je suis mort depuis longtemps. C'est Bougre-là ce qui m'a tué. Et je suis enterré à Varsovie. Près de Vladislas le Grand et aussi à Cracovie, près de Jean Sigismond et aussi à Thorn dans la casemate avec Bordure. Le voilà encore! Mais va-t'en, maudit ours, tu ressembles à Bordure. Entends-tu, bête de Satan? Non, il n'entend pas. Les salopins lui ont coupé les oreilles. Décervelé, tudé, coupé les oreilles. Arraché la finance et buvé jusqu'à la mort. C'est la vie des salopins. C'est le bonheur du maître des finances. Oui, au revoir. Oui, oui. Bon, fort mal. Oh, il était bien dur cet ours. Combat des voraces contre les coriaces, mais les voraces ont complètement mangé et dévoré les coriaces, comme vous le verrez quand il fera jour. Entendez-vous, noble paletin ? Qu'est-ce qu'il bafouille ? Il est encore plus bête que quand il est parti. À qui en a-t-il ? Cotis ? Pile ? Répondez-moi, sac à merdre. Mais où êtes-vous ? Hein ? Oh, oh, oh, j'ai peur. Mais enfin, on a parlé, qui a parlé ? Ce n'est pas l'ours, je suppose. Merde, où sont mes allumettes ? Ah ! Je les ai perdues à la bataille. Profitons de la situation et de la nuit. Simulons une apparition surnaturelle. Et faisons-lui promettre de nous pardonner nos larcins. Mais par Saint-Antoine, on parle. Jean Dieu, je veux être pendu. Oui, monsieur Ubu, on parle en effet. Et la trompette de l'archange, qui doit tirer les morts de la cendre de la poussière finale, ne parlerait pas autrement. Écoutez cette voix sévère. C'est celle de Saint Gabriel, qui ne peut donner que de bons conseils. Oui, ça vous en est fait. Ne m'interrompez pas, ou je me tais. Il s'en sera fait de votre giborgne. Ah, ma chidouille, je me tais. Je ne dis plus mot. Continuez, madame l'apparition. Nous disions, monsieur Ubu, que vous étiez un gros bonhomme. Très gros, en effet, ceci est juste. Saisez-vous de par Dieu. Ah, les anges ne jurent pas. Merde. Vous êtes marié, monsieur Ubu? Parfaitement, à la dernière des chipies. Vous voulez dire que c'est une femme charmante? Une horreur! Elle a des griffes partout! On ne sait par où la prendre! Il faut la prendre par la douceur! Monsieur Ubu, votre femme est adorable et délicieuse. Elle n'a pas un seul défaut. Vous vous trompez! Il n'y a pas un défaut qu'elle ne possède. Silence, non! Votre femme ne vous fait pas d'infidélité. Ah! Je voudrais bien voir qui pourrait être amoureux d'elle. C'est une harpie. Elle ne boit pas. Depuis que j'ai pris la clé de la cave. Avant, à 7 heures du matin, elle était ronde et elle se parfumait à l'eau de vie. Maintenant qu'elle se parfume à l'héliotrope, elle ne sent pas plus mauvais. Ça m'est égal. Mais maintenant, il n'y a plus que moi à être rond. Oh, les gardes, Père Ubu. Oh, c'est vrai, j'oubliais à qui je parlais. Non, non, non, je n'ai pas dit ça. Tiens, mais il fait jour. Ah, Seigneur, de par mon cheval à finance, c'est la mère Ubu. Ce n'est pas vrai. Je vais vous excommunier. Ah, charogne. Quelle impiété. Ah, c'est trop fort, je vois bien que c'est toi, sotte chipie. Pourquoi diable es-tu ici? Giron est mort et les Polonais m'ont chassé. Et moi, ce sont les Russes qui m'ont chassé. Les beaux esprits se rencontrent. Dis donc, un bel esprit a rencontré une bourrique. Eh bien, il va rencontrer un palmipède maintenant. Il est mort, grotesque! Ah, mais au fait, peut-être que non. Oh, Seigneur, non. Non, il n'est pas mort. Sauvons-nous! Sauvons-nous! Pater Noster, qui est? Et où est-il? Ah, Seigneur, la voilà encore, cette créature! Il n'y a pas moyen de se débarrasser d'elle. Est-il mort, cet ours? Eh oui! Cette bourrique! Il est déjà froid! Arrive ici, charogne! Oh! Mets-toi à genoux devant ton maître! Tu vas subir le dernier supplice. Oh non, oh, monsieur Ubu. Ah, et après, as-tu fini? Moi, je commence. Torsion du nez. Arrête. Arrachement des cheveux. Pénétration du petit bout de bois dans les oreilles. Extraction de la cervelle par les talons. lacération du postérieur, suppression partielle ou même totale de la moelle épinière, si au moins ça pouvait lui ôter les épines du caractère, sans oublier l'ouverture de la vessie natatoire et finalement la grande décollation renouvelée de Saint Jean-Baptiste. Le tout tiré des très saintes écritures, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, mis en ordre, corrigé et perfectionné par l'ici présent maître des finances, Sadvati Andouille. Vive la Pologne! Oh, attends un peu, monsieur le Polognard. Attends que j'en ai fini avec madame ma moitié. Tiens, lâche, gueux, sacripant, mécréant, musulman! Et tiens, Polognard, soulard, bâtard, hussard, tartare, calard, cafard, mouchard, savoyard, communard! Tiens, capot, cochon, félon, histrion, fripon, chouillon, polisson! Dieu, quel renfoncement! Oh! On a des pieds, monsieur les colonels! De par ma chandelle verte, cela va-t-il finir à la fin des pas? Encore un! Ah! Ah! Ah! Si j'avais ici mon cheval à finance! Tapez! Tapez toujours! Et le PRIBU est notre grand financier! Ah, les voilà! Hurrah! Vive les PRIBU! En avant, arrivez! On a besoin de vous, messieurs des finances! À la porte, la polonaise! Ah, nous nous revoyons, monsieur des finances! Alors, poussez vigoureusement, gagnez la porte! Une fois dehors, il n'y aura plus qu'à se sauver! Ah ah, oh oh! Ah ah, ah, ça c'est mon plus fort! Oh, comme il tape! Dieu, je suis blessé! Eh bien, sire! Ah non! À plus! À plus toujours! Il gagne la porte, les gueux! On appelle! Suivez le monde! Par conséquent, de quoi? Je vois le ciel! Courage, Sirubu! Ah ah! Ah, j'en fais dans ma culotte! En avant, corne ginouille! Pudé, saigné, écorché, massacré! Corne du but! Ah, ça diminue! Il n'y en a plus que deux à garder la porte. Et d'un! Ouf. Et de deux! Aïe! Ouf! Me voilà dehors. Sauvons-nous. Suivez les autres et vivement. Ah, je crois qu'ils ont renoncé à nous attraper. Oui, Bougrelas s'est allé se faire couronner. Je ne la lui envie pas, sa couronne. Oh, tu as bien raison, Père Ubu. Ah, quelle belle brise! Il est de fait que nous filons avec une rapidité qui tient du prodige. Nous devons faire au moins 1 million de nœuds à l'heure, et ces nœuds ont ceci de bon qu'une fois fait, ils ne se défont pas. Il est vrai que nous avons vent arrière. Quel triste imbécile! Oh, ah, ah, nous voilà chavirés. Mais il va tout de travers, il va tomber ton bateau. Tout le monde sous le vent! Bordez la misaine! Ah, mais non, par exemple, ne vous mettez pas tous du même côté, c'est imprudent, ça. Et supposez que le vent vienne à changer de côté, tout le monde irait au fond de l'eau, et les poissons nous mangeront. N'arrivez pas! Serrez prêt et plein! Si, si, arrivez! Je suis pressé, moi. Arrivez, entendez-vous? C'est à faute brute de capitaine si nous n'arrivons pas. Nous devrions être arrivés. Oh, mais je vais commander, moi, hein? Alors, parce que... Bon, par à virer. Adieu, va. Mouillez. Virez le vent. Virez vent arrière. Hissez les voiles. Serrez les voiles. La barre dessus. La barre dessous. La barre à côté. Vous voyez, ça va très bien. Venez en travers à la lame, et alors ça sera parfait. Amenez le grand foc. Prenez un rio unier. Ceci n'est pas mal. C'est même bon. Entendez-vous, monsieur l'équipage? Amenez le grand coq. Et aller faire un tour dans les pruniers. Quel déluge! Ceci est en effet des manœuvres que nous avons données. Délicieux chaud pour la navigation! Méfiez-vous de Satan et de ses pompes! Monsieur garçon, apportez-nous à boire. Oh, quelle délice de revoir bientôt la douce France, nos vieux amis et notre château de Mondragon. Nous y serons bientôt. Nous arrivons à l'instant sous le château d'Elsonneur. Je me sens regaillardi à l'idée de revoir ma chère Espagne. Oui, et nous éblouirons nos compatriotes des récits de nos aventures merveilleuses. Ah, ça, évidemment. Et moi, je me ferai nommer maître des finances à Paris. Oh, c'est cela. Quelle secousse. Ce n'est rien. Nous venons de doubler la pointe de la semaine. Et maintenant, notre noble navire s'élance à toute vitesse sur les sombres lames de la mer du Nord. Mer farouche et inhospitalière qui baigne le pays appelé Germanie. Ainsi nommé parce que les habitants de ce pays sont tous cousins germains. Oh, voilà ce que j'appelle de l'érudition. On dit que ce pays est fort beau. Ah, messieurs, si beau qu'il soit, il ne vaut pas la Pologne. S'il n'y avait pas de Pologne, il n'y aurait pas de Polonais. Ha ha!